Ça dure pas assez longtemps. Hein? Seulement sur le plan matériel. Quoi? L'émotion. L'émotion qui est générée par l'intelligence. Ben oui. Parce que ça prend un sens. Pour avoir un corps vital. Ça prend un sens d'énergie pour se rendre ici. Quelque chose de ça. C'est dur à faire à comprendre l'homme l'importance de l'intelligence puis de la volonté. C'est... Puis quand on le comprend, c'est des... C'est... T'as besoin d'autre chose. Pas d'amour! Vous avez jamais besoin d'amour sur la terre. Sacrement. Vous n'avez assez. De l'intelligence, de la volonté, vous en avez besoin. Mais de l'amour? Vous êtes amour, vous n'avez pas besoin. Quand t'es d'amour, tu n'as pas besoin. Ou surtout que t'as besoin d'amour, tu tombes dans l'astralité. Quand t'es conscient, t'as pas besoin d'amour. Comme t'as pas besoin d'intelligence, comme t'as pas besoin de volonté égoïquement, et là, à part, tu t'en sers. La volonté, à part, tu t'en sers. L'intelligence, à part, tu t'en sers. L'amour, à part, ça te fait vibrer dans ton émotion pour une raison quelconque. Mais tu peux pas t'en servir. Tu peux servir l'intelligence, la volonté, mais tu peux jamais te servir l'amour, tu vas te faire vider net. Alors, pour empêcher que tu aimes sur la terre, tu dois haïr. C'est la protection de l'homme conscient, la haine. C'est la protection. C'est sa protection. Moi, quand tu parles d'amour, j'ai toujours envie de parler de respect. Est-ce que il y a bien d'autres choses qui puissent être le plus beau dans les relations, dans les communications entre les personnes que le respect? Puis souvent, quand je parle de ça, mais je donne toujours l'image, je donne souvent l'image de, tu sais, tantôt tu disais trahir sa race, mais moi je vais dire souvent reconnaître sa race. De prince et de princesse. Moi, j'utilise cette image-là beaucoup parce que se reconnaître comme prince, c'est se reconnaître dans ce qu'on est, qu'on a droit, mais il n'y a pas de subjugation, tu sais. Il n'y a pas de un roi, ça domine. Mais se reconnaître comme prince, puis se tenir comme prince, ça, en tout cas, c'est très, très important. Si je ne connais pas ma race, moi-même, je ne peux pas me respecter et je ne peux pas me faire respecter. Puis me faire respecter, c'est ça l'air. Et les gens qui demandent aux autres du respect, ben quand ils vivent des choses irrespectables, tu ne peux pas respecter l'irrespectabilité. Par exemple, quand une femme, quand un homme se traite comme une guenille, il mérite pas mon respect. Je peux pas être conscient et complice de la façon qu'il se traite comme guenille. Pour l'intelligence, on peut être complice, c'est son manque d'intelligence. C'est ça. Sans ça, ça sera pas d'intelligence. Ouais. De détester la condition dans laquelle il se met lui-même. Dans la condition, moi aussi, que je me mets moi-même des fois. Je me traite tellement mal moi-même, puis je demande aux autres qu'ils me traitent bien. Tu sais, je rends envie de pas être bien traité, mais c'est moi qui ai dit ça, quand je me traite pas bien. Et quand je me reconnais, puis ça fait partie de tout. Tu as déjà parlé de la bonne impression, là, ça découle de ça, tu sais. Moi, je me dis, un prince, quand il dit « mange de la merde », il ne peut jamais dire ça comme quelqu'un qui n'est pas un prince. C'est un autre vibration. Ça paraît dans la tenue d'un être humain, ça paraît dans sa façon de se vêtir, c'est qu'il harmonise. De par sa propre vibration, il harmonise son environnement. Par exemple, il y a des gens qui me disent, ben oui, mais j'ai pas d'argent, puis je n'arrive pas, peut-être, patata. Tu vas créer ton milieu ambiant qui te ressemble quand tu connais ta race. Tu peux pas supporter d'incohérence dans l'entour de toi. Si on faisait juste reconnaître ça,